Le porte-parole du comité des juristes coréens a publié le 14 courant une communication qui dit notamment « Le 7 avril dernier, les États-Unis ont perpétré les attaques de missiles d'envergure contre la base des forces aériennes du gouvernement syrien en faisant courir le bruit de leur usage des armes chimiques. La démarche militaire américaine contre la Syrie est un acte d'agression et un crime de guerre stipulé par la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur la définition de l'agression, le traité de Paris sur l'abandon de guerre et le tribunal militaire international de Nuremberg, et elle est en aucun cas intolérable. Ce sont les États-Unis qui avaient pris l'initiative du traité sur l'abandon de guerre et qui l'avaient signé en premier, et ce sont aussi eux qui avaient le plus parlé de l'observation de la résolution. Les dernières attaques américaines par missile sont d'évidents actes d'agression et crimes de guerre, et elles doivent être condamnées d'après le droit international.